Salut les amis, c'est Sofiane. Alors juste avant de vous laisser avec l'épisode de Zoom, je voulais vous dire qu'on a enregistré cet épisode en plein confinement, et donc à distance, via Skype. Le son n'est vraiment pas parfait, j'en suis désolé. Et surtout, en plein milieu du podcast, vous allez voir qu'on a un petit guest trop mignon, c'est le fils de Zoom, on l'embrasse, le petit Djibril. Voilà, un petit ange belge qui vient nous rejoindre dans le podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui dans notre série belge, le suivant, Monsieur Zoom. Bonjour, salut Sofiane, salut à tous. Salut Zoom, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Bon, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Dans les galères d'humoriste. Oui, les galères, des bides, tout ce que tu veux. Ouais, alors un de mes plus gros bides, enfin à part le mien, c'est on a fait une soirée, un spectacle pour un mariage. Alors, c'était censé être un plateau. On était invités à quatre. Donc il y avait PE, Dave Parker et Pascal sur scène. Et donc moi. Bah, nous, on sait pas, nous, on se fait inviter pour une soirée de mariage. On se dit, bon, le plan est pas dingue, mais tu connais les galères d'humoriste. Il y a de l'argent à la clé. Donc, on se dit, bah, on y va. Obligé, tu prends, c'est normal. on est des galériens. Nous, on a toujours besoin d'argent. Donc, il y a de l'argent, on y va. Et, le problème, on l'a pas su tout de suite, mais en fait, les mariés ne voulaient pas de spectacle d'humour. Donc, vraiment, c'est la mère du marié. Oui, c'est la mère du marié qui a dit « Oui, non, je vais vous offrir un spectacle d'humour pour votre mariage. » Et elle a dit « Non, on ne veut pas de ça. » « Mais si, je veux le faire quand même. » Et donc, il y a eu clairement un refus de la part des principaux intéressés de vous voir. Ouais, voilà. Et on vous a envoyé au casse-pipe. Voilà, exactement. Mais donc, nous, on ne le savait pas à la base. Et donc, on fait un petit ordre de passage sympa. C'est PE qui monte en premier. Et PE, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste belge, mais qui cartonne, qui est très fort. Et lui, l'anecdote, c'est que, je pense qu'on est un dimanche soir, ou un samedi soir, je pense, samedi soir. Mais la veille, donc le vendredi soir, PE faisait la première partie de Gad et Kev à Forêt Nationale en Belgique, donc la plus grande salle de Belgique, 6000 personnes. Il a fait un carton devant 6000 personnes. Le jour même, avant le mariage, il va en première partie d'Alex Vizorek, dans un théâtre à Bruxelles aussi, quelques centaines de personnes, il fait un carton. Donc, bah, il sort sur sa confiance, il monte le premier, enfin monter entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de scène, on était à plat, face à des mariés, tu connais, c'est une salle de mariage, il n'y avait pas de... Voilà, donc PE commence à jouer, et là, pour une des rares fois dans sa vie, ça ne marche pas. Vraiment un four, mais vraiment long. Et il est court au maximum, et le deuxième, c'est moi. Je monte, et là, je n'entends pas ce que... Apparemment, il y en a un, le grand-père de la mariée, qui dit « Ah ben bah, tiens donc, il n'est pas blanc celui-là » Oh là là! Et encore, heureusement, moi, j'ai pas entendu, sinon j'aurais vanné, j'aurais réagi, mais j'ai pas entendu. Et donc, je commence mon passage. Sauf, c'est vraiment catastrophique. C'est un petit peu mieux que PE, mais le petit mieux qui sert à rien. Vraiment, c'était nul, ça ne sert à rien. Et donc, on était censé. C'est quand même violent, quoi. Je veux dire, d'entendre ça, d'entendre. Ben, heureusement que t'as pas entendu, ça t'aurait décontenancé, ouais. Genre, d'entendre, ah ben celui-là, il est pas blanc. Eh, mais sérieux? Mais ouais. Au moins, est-ce que la famille Le Pen paye bien? Au moins. Ah, si ça avait été eux, j'aurais été mieux payé, je pense, tu vois. limite, j'aurais préféré jouer pour les Le Pen, il y aurait eu une bonne excuse. Mais donc, en plus, pendant mon passage, c'est moi, j'aime bien interagir avec le public, discuter avec eux. Et donc, je discute avec les mariés, mais genre, je savais même pas où ils étaient parce qu'en fait, les tables étaient mises de façon, perpendiculaire à nous. Et donc, ils étaient mal placés, je voyais même pas les mariés, j'essayais d'interagir avec eux. Non, vraiment, ils veulent pas. Donc, après mon passage, donc on était censé être quatre. Après mon passage, on était censé faire une pause et les deux autres allaient jouer. Là, t'as le marié qui déboule près de nous. Donc, on était en petit comité en train de discuter entre nous, en train de parler de la galère qu'on venait de vivre avec PE. Et là, il y a le marié qui dit à sa maman, non, il faut que je leur dise parce que sinon, ils n'avanceront jamais dans la vie, ces gens-là. Et tu vois, parce que c'est un maman qui me disait, calme-toi. On se dit, mais il va nous frapper, lui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc, il commence à dire, non, ça ne va pas, vous n'êtes pas fait pour ça. Et si, et ça, et commence à nous rabaisser à mort. Alors après, il dit qu'il veut plus les autres gens. Donc il veut plus les autres. Non, parce que Parce que très honnêtement, quand tu m'as dit que le marié allait intervenir, je pensais qu'il allait vous dire « nous ne voulions pas d'humour, nous ne voulions pas de spectacle oui, ». Mais oui. Là, il vous dit carrément « vous n'êtes pas fait pour l'humour ». Oui, c'est ça, oui. Non. Vraiment, il essaie de nous rabaisser plus bas que terre. Et moi, je ne peux pas me laisser faire, parce que, par principe, s'il n'aime pas, tant pis. Mais je veux dire, on sait ce qu'on vaut. On avait fait des plateaux, on avait fait des spectacles entiers depuis… Enfin, ça fait… moi, ça faisait à ce moment-là au moins 5-6 ans que j'étais dans le métier. PE, ça faisait presque 10 ans. Donc, il y a un minimum de respect à avoir. Et donc, le gars s'emballe sur nous, et les autres, il y avait Pascal et Dev qui disent « ah oui, on comprend ». Et je dis « non, les gars, faut pas arrêter de dire qu'on comprend. Le gars, il nous respecte pas. Ok, s'il aime pas, tant pis, ça arrive. Mais voilà, il y a un minimum de respect. » Et alors, à partir de là, donc, il dit qu'il veut plus les deux autres humoristes, et ils nous disent « ouais, ils veulent pas nous payer ». Ah. Gars, est-ce que tu penses que je vais partir de là sans être payé déjà? Je ne sais pas si je serais pourri loin de ma famille déjà. Et en plus, je vais partir sans mon argent. Non, là, évidemment, on a insisté. Et la mère, elle, c'est elle qui nous avait engagés. Donc, elle a évidemment payé finalement. Mais c'était, sincèrement, c'était une de mes pires galères. Ah ouais. Là, je compatis totalement. Mais clairement, dans cette soirée-là, si jamais il n'avait pas voulu vous payer, vous auriez été obligé de lui dire un truc du style « écoute, c'est soit la pièce montée, soit notre salaire, mais on repart avec un des deux, tu vois ». Non, on allait repartir avec sa femme s'il fallait, hein, mais voilà, il n'y avait pas le choix, il fallait, on ne serait pas reparti seul. Hein, non, il y avait on pas repart moyen. Avec quelque chose, on repart, ouais. C'est sûr. Ça, c'est une petite galère, oui, mais la plus grosse galère que j'ai connue, c'était un peu improbable. En fait, en 2017, je gagne un festival du rire à la ville Dieu du Temple, près de Toulouse. Oui, je le connais très bien, bien sûr. Donc c'était un week-end entier, on est en 2017, le vendredi et le samedi. Il y a un prix le vendredi, il y a 4 prix le samedi. Le vendredi, je prends le seul prix, et le samedi, je prends 3 prix sur 4, dont le quatrième, c'est le prix de la presse. Et le gars, quand il monte pour remettre le prix, il dit « on va remettre le prix à un tel parce qu'on sait que c'est Soum qui va tout gagner ». Donc vraiment, en mode, il l'a remis… Sinon, voilà, vraiment, j'avais marché sur l'eau sur ce festival. Donc là, tu te dis, c'est pas génial. Non, c'est vraiment génial. Donc, la récompense, c'est l'année suivante, tu viens jouer ton spectacle entier en affiche du festival, quoi. D'accord. Et donc, j'avais tellement marché sur l'eau que, d'une part, j'étais confiant, mais d'autre part, je m'étais mis une énorme pression. Et en plus, la petite erreur, c'est que je venais, donc entre 17 et 18, je change de spectacle. C'est-à-dire que fin 2017, je lance mon nouveau spectacle qui n'est pas encore très rodé. Et donc, j'arrive là-bas donc un an après. Et le jour même, je me dis, les fans de mon nouveau spectacle, il y a beaucoup d'humour belgo-belge, ils ne vont pas comprendre les Français. Donc, il faut que j'adapte. Donc, je pense qu'une heure ou deux avant mon spectacle, je commence à faire un mix entre mon précédent spectacle, ce spectacle-là, et je commence à faire un méli-mélo horrible. Et puis, dès le début, je commence. C'est une grande salle, c'est une très grande salle, longue, il y avait beaucoup de monde. Mais les gens sont un peu loin. Et moi, j'aime bien le contact et discuter avec les gens. Et le problème, c'est que dès le début, j'ai commencé à discuter avec les gens qui sont tout près de la scène. Et donc, ce qui veut dire que ceux, dans le fond, ne se sentaient pas concernés. Ça n'allait pas. Et j'ai commencé à les perdre. Et donc, je joue, je fais 15-20 minutes de tunnel, mais vraiment le pire tunnel de toute ma vie. Limite le mariage c'était mieux. Et en plus tu vois, je m'étais mis une grosse, tu vois, j'avais une grosse attente de ma part parce que sincèrement l'année précédente j'avais tellement marché sur l'eau dans ce festival, donc là 20 minutes de ça t'a mis la pression quoi. Ouais, c'est ça, peut-être trop. Et donc 20 minutes de four. Et puis première fois de ma vie et seule fois de ma vie que je le fais, c'était mon spectacle entier. Je dis excusez-moi, mais je vois que ça va pas. Sincèrement, il y a rien qui va. Je vais arrêter. S'il faut, je rembourserai. Je vais arrêter. C'est pas possible. Donc, je décide. Je veux arrêter. Puis il y a l'organisatrice qui vient en coulisses, qui me dit non, Soum, tu dois pas arrêter. Il faut continuer. Non, et même le public me dit non. Ça, en fait, le public me dit non, ça va. Franchement. Sincèrement, enfin, ils étaient gentils, certains m'ont dit ça, mais sincèrement, ça n'allait pas. Moi, je suis très exigeant avec moi-même, mais si ça… Et donc, finalement, par professionnalisme, je continue jusqu'au bout. Mm-hmm. J'ai quelques rires de ci, de là, épars, mais horrible. Donc, je termine le spectacle. Quand je sors de scène, j'ai les larmes aux yeux. Franchement, je pleure, c'est la première fois de ma vie, c'était horrible. Sincèrement, je le souhaite à personne. Donc, on est en mars 2018. Et donc là, je sors de scène. Et en plus… C'est un festival, tu connais les festivals, il y a d'autres festivaliers qui viennent des droites et à gauche, des gens qui sont parfois jamais montés sur scène, mais qui se prennent pour Gad Elmaleh, tu vois, et qui te prennent avec condescendance, c'est un truc énorme, tu te dis, mais vous avez fait quoi, vous? Parce qu'ils sont toujours en train de donner des conseils, ou dire des ci et des ça, mais ils n'ont strictement rien fait, peu importe. Et donc, eux, ils sont condescendants à mort. Il y a un que j'oublierai pas, Tony Feijo, qui, tu vois, qui est de... Je sais plus de quel coin dans le sud de la France. Et Tony, c'est un des seuls qui m'a soutenu, qui m'a expliqué, mais voilà, ça arrive. Lui, c'est un comédien, il a joué au théâtre. C'est le festival de Villeneuve-sur-Lot. Oui, voilà, Villeneuve-sur-Lot, voilà, c'est ça, exactement. Donc Tony Feijo m'a vraiment soutenu, c'était génial de sa part. Il me dit, par contre, il me dit, t'aurais jamais dû quitter, dire que t'arrêtais le spectacle, tu dois aller jusqu'au bout, par respect pour le public. Et donc, lui m'a soutenu, mais les autres, il y en a qui m'ont même pas parlé une seule seconde. Il y a des gens qui m'ont même pas parlé, rien. Il y avait les gens du Festival du Rire de Rochefort qui, eux, m'ont soutenu, qui ont discuté avec moi et qui m'ont dit, on t'a jamais vu aussi stressé, parce qu'avant le spectacle, ils m'avaient vu, on t'a jamais vu aussi stressé, tu t'es mis beaucoup trop de pression. Et donc, c'était le samedi, je revenais en Belgique le dimanche, et heureusement, je pense que le mardi, je remontais sur scène, et ça s'est super bien passé. Et ça m'a fait oublier. T'as pu prendre une revanche un peu sur ça. C'est un peu comme tu tombais de cheval, il faut remonter direct. Je suis remonté, parce que si je remontais genre un mois ou deux après, peut-être que j'avais perdu toute la confiance que j'avais en moi. Et peut-être aussi qu'il y a des gens qui, s'ils avaient attendu un mois ou deux après, auraient peut-être pu se dire « j'arrête, tout simplement ». Oui, c'est ça. Oui, sincèrement. Mais franchement, quand j'ai fait cette prestation-là, je me dis « mais je ne suis pas fait pour ça, je suis vraiment trop nul, il faut que j'arrête ». Sincèrement, mais voilà, finalement, ça s'est bizarre. Enfin, finalement, c'était une bonne expérience parce qu'en fait, j'étais peut-être un peu trop confiant parce que les dernières scènes avant ça, c'était toujours des cartons. Tu dis, tu montes, et tu fais des cartons, donc… Tu vois, tu es trop à l'aise. Et moi, je suis quelqu'un qui n'est pas stressé, peut-être pas, parfois pas assez. Et donc, le fait de ne pas être stressé fait que j'étais un peu trop à l'aise, trop confiant. Et là, ça m'a mis une claque et ça m'a permis de... Et voilà, depuis lors, je n'ai plus jamais pris de réel bide. Voilà. D'accord, mais je comprends la difficulté du truc et on y est tous soumis. On embrasse le petit prince qui parle en même temps. D'ailleurs, on va peut-être faire un épisode galère de papa. Ouais, c'est ça, galère de papa. Ouais, non, je sais, désolé. T'inquiète pas. C'est trop mignon. Profitez-en, chers auditeurs. Vous avez en exclusivité les cris d'un bébé belge. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Jibril. Jibril, ah, très mignon, très beau prénom. Bon, donc je disais en fait, la difficulté vraiment de monter sur scène, c'est que c'est un métier où on absorbe tout, tu sais, on est des éponges en fait, on absorbe. C'est-à-dire que si tu cartonnes, comme tu viens de le dire et tout, si tu marches sur l'eau après un festival, évidemment que tu te diras, mais je suis fait pour ça, je suis, tu vas pas dire je suis le meilleur, mais tu vas dire, je suis vraiment dans mon élément. Et le problème, c'est qu'après, quand tu bides, tu te dis... C'est vraiment toute ma vie que je remets en question et tout, c'est pas bien. Alors, je sais plus qui avait dit ça, mais il y a quelqu'un dans le métier qui avait dit « on a le niveau de notre dernière scène ». C'est-à-dire que dans ta tête, si tu sors d'un carton, tu te dis « je suis le meilleur ». Tu te dis vraiment « je suis au top ». Et si tu sors d'un bide, tu as l'impression d'être le plus nul des humoristes. Et c'est pour ça que très très vite, et heureusement que tu l'as fait, très très vite, il faut remonter sur le cheval, même si pour supporter notre poids, c'est un peu chaud quand même, hein, je te cache pas. Toi et moi, les chevaux, ils prient avant qu'on monte, tu vois. Mais c'est pas grave. En tout cas, t'as très bien fait. Et le fait que t'es cartonné, t'as montré que c'est pas grave. C'était une erreur de parcours. C'était une petite sortie de route, tout simplement. Voilà. Mais c'est très bien. Et on remercie également Tony. J'en profite pour le saluer. Je le connais très bien. C'est bien d'avoir eu ces mots-là pour toi. Voilà, parce que dans ces moments-là, les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, t'as besoin justement de soutien. Oui, et en plus, j'étais loin de chez moi, j'étais seul, j'avais pas d'amis avec moi, j'avais pas ma femme, mon enfant à l'époque, un seul. Mais voilà, tu vois, tu es tout seul, tu rentres dans la chambre d'hôtel, ou bien là, c'était une petite maison d'hôte, mais peu importe, tu rentres, t'es déprimé, quoi, c'est horrible. On se rend pas compte, hein, mais psychologiquement, ce métier est difficile. Sincèrement, quand ça marche bien, et encore, paradoxalement, dans les galères d'humoriste. Même quand ça marche bien, et tu le connais, et tu le sais, vu que toi aussi, tu fais un autre travail, ça marche bien, tu fais un carton le samedi ou le dimanche, et le lundi, tu repars au boulot, les gens te calculent à peine, tu redeviens, tu vois, tu retrouves cette vie normale, et c'est tout aussi déprimant que de faire un bide, en fait. Tu vois, parce que tu es de l'euphorie. Moi, j'ai fait des grandes premières parties dans des grandes salles. Tu es emballé, les gens veulent faire des photos avec toi. Sur le moment, ils sont tout emballés. Puis le lendemain, tu retournes dans ta vie d'anonymat. Et d'un coup, t'es juste toi. C'est cool, c'est pas ça. On a de la chance, on est en vie. Mais c'est déprimant. Ouais. Mais je comprends tout à fait, et j'allais même te dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de rentrer à l'hôtel ou à la maison d'hôte déprimé parce que t'as pas ta famille autour de toi, moi j'ai l'impression que ça marche même quand tu viens de cartonner, parce que tu viens de cartonner, tout le monde est avec toi et tout, et après tu rentres dans ta chambre d'hôtel, bon, t'es toujours souriant, t'as quand même toujours l'adrénaline et tout, mais tu te retrouves tout seul, quoi. Tu passes d'une soirée où t'as cartonné à la solitude de la chambre d'hôtel. Ça, je pense que tous les humoristes qui sont partis en tournée le savent. Franchement, moi, il y a des fois, j'étais déprimé de dingue après parce que je passais d'une joie, du partage, d'un moment magnifique à la solitude d'une chambre d'hôtel ou d'un Airbnb ou quoi. Et franchement, c'est dur, quoi. C'est dur, mais c'est un métier où on a, en fait, si tu veux, c'est un métier où tu vas vivre des choses que les gens normaux ne vivent pas, autant dans le bonheur que dans la tristesse. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte du malheur que ça peut être. Et heureusement, comme nous, on n'est pas connus, enfin, en tout cas, moi, je ne le suis pas. Moi non plus, pas, je te rassure. Mais tu vois, je ne suis pas hyper suivi sur les réseaux sociaux, ce qui fait que je n'ai pas encore les haters. Mais là aussi, tu vois, tu postes un sketch ou quoi sur les réseaux, si tu as plein de commentaires négatifs, parce que même si tu en as plein de positifs, tu vas aller voir les négatifs. Et là aussi, les gens ne se rendent pas compte de l'impact psychologique. Moi, j'ai quand même je connais deux potes humoristes qui sont suicidés. Après, j'ose imaginer qu'ils ont d'autres problèmes. C'est Georges D et Mathieu Cohen, que je connaissais. Oui, et donc, très très bon, en plus très très bon, très bonne écriture et tout, mais après je dis pas que c'est à cause du métier, mais je dis quand même que c'est un métier difficile psychologiquement, il faut vraiment être prêt, et je pense qu'il y a pas, on n'est pas préparé psychologiquement, on est préparé à écrire, on est préparé à jouer, on n'est pas préparé aux conséquences, que ce soit la réussite, parce que parfois ceux qui réussissent trop vite, qui gagnent beaucoup d'argent très vite et qui s'enflamment un peu, ou l'échec parce qu'on a beaucoup d'attentes, on se met des attentes et finalement heureusement, toi comme moi, on est des gens posés, on est les pieds sur terre, on n'a pas tout claqué, on n'a pas, tu vois, on a une famille en plus. Donc, mais je pense à tous ceux qui sont montés à Paris pour réussir en mode success story, parce que Danny Boone l'a fait, parce que d'autres l'ont fait, mais on parle que des success stories, mais combien ont foiré, n'ont plus d'argent, ou ont pu se retrouver à la rue, ou tomber dans des dépendances droite à gauche. Ça reste un métier très très difficile, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est un métier en fait où il faut se forger une espèce de carapace. Mais je pense que cette carapace, elle marche dans les deux sens, tu vois. C'est-à-dire que si t'es bon et tu cartonnes, comme un peu ce qui est arrivé au festival, il faut quand même garder un peu la tête froide, être content quand même, mais garder la tête froide. Et dans l'autre sens, quand on t'attaque, par exemple, tu parlais des haters, quand on t'attaque ou alors quand une salle n'est pas réceptive et même limite un petit peu hostile, il faut savoir se faire cette carapace et dire « c'est pas moi, c'est mon art qu'il critique ». Ah, grave, tu vois. Et il faut se dire, la prochaine, ce sera bon. Peut-être avec un peu de chance, j'irai jouer au mariage de personnes qui veulent pas de spectacle d'humour. Voilà, ça peut être une perspective pour la suite. C'est très très dur comme métier, et c'est vrai, tu as raison d'en parler. C'est la première fois que quelqu'un soulève ce point dans Galère d'humoriste. C'est vrai que c'est un métier très très dur au niveau de l'esprit, de l'état d'esprit et tout. Faut être très très fort à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est tous, on va tous passer par des périodes d'énormes high, comme on dit, et d'énormes low, tu vois. Tu passes par les deux, donc je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, il faut continuer et garder la tête sur les épaules. Je pense que toi comme moi, ce qui nous permet de la garder sur les épaules, c'est qu'on a une famille, voilà, on a des gens qui dépendent de nous. Et donc, on est obligé de réfléchir en père de famille. Je pense que si on était jeune humoriste, célibataire et tout, on n'aurait pas du tout le même discours. Ah non, c'est sûr. Moi, si j'avais commencé plus tôt en étant seul, j'aurais peut-être pris certains risques que je ne prends plus maintenant, que je ne pourrais pas me permettre. Hein. J'ai deux enfants, une femme, une maison. Donc, mais après, moi, j'encourage quand même ceux qui ont la possibilité de prendre des risques. C'est clair que ceux qui ont réussi aussi sont ceux qui ont pris des risques, qui ont arrêté, qui ont fait des choses, mais c'est pas à tout prix, parce qu'il faut pas penser que tout le monde réussit. C'est ça aussi. Tout le monde réussit. Oui, c'est ça. Faut se dire que le succès est possible comme l'échec, et il faut pas oublier une chose aussi. Faut pas oublier que ceux qui ont réussi ont juste réussi après toute une série d'échecs. Oui, aussi, hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est un long cheminement. Enfin, parfois c'est long, parfois c'est court. Hein. Maintenant, l'avantage d'Internet, c'est que tu vois certaines personnes qui montent très vite et qui passent pas par les étapes comme nous. Je pense par exemple à Guillaume Voutetan, qui a fait des super vidéos sur le net et que lui, directement, dès qu'il est passé du net à la scène, il a directement fait des grandes salles. Il n'a pas connu nos mêmes galères d'aller dans des salles où les gens ne te connaissent pas. Tandis que là, tu vois, les gens qui cartonnent sur Internet ont cette possibilité de griller les étapes, mais alors, parfois c'est pas toujours bien. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ses galères à lui, tu vois, nous on a vécu nos galères et on continue à en vivre, mais lui, les galères qu'il a vécues, c'est pour être connu sur Internet. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. C'est ça la différence. C'est-à-dire que nous, à l'inverse, par exemple, mettons un humoriste lambda qui vraiment galère, et au bout de quelques années, vraiment, il réussit à cartonner. S'il lance une chaîne YouTube, elle va cartonner directement, tu vois. Ouais, pas sûr, parce que être bon sur scène ou être bon sur YouTube, c'est pas toujours la même chose, hein. C'est pas la même chose du tout. Non, je parlais pas de qualité, hein. Je parlais vraiment de following, tu vois. Oui, bien sûr, oui. Mettons, il a, je sais pas moi, 1 million de likes sur sa page. Oui, si jamais il dit aux gens, je lance une chaîne YouTube, il va pas commencer à zéro, tu vois. Oui, il va commencer à 100 000 abonnés, 150 000, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, voilà. Et lui, c'est l'inverse. Lui, il a peut-être galéré au début avec 0 abonné, 100 abonnés, 200, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas combien il a. Et il a transposé ce public-là à la scène, tout simplement. C'est le principe des vases communicants, j'ai l'impression. Oui, c'est clair. Mais voilà, en tout cas, même si c'est galère, moi j'adore ce métier. Et d'ailleurs, ce métier me manque actuellement parce qu'on n'a plus de perspective actuellement de jeu. Donc, c'est autre chose. On a hâte de reprendre une vie normale. C'est ça. C'est marrant parce que tu dis j'ai hâte de reprendre une vie normale juste après que ton bébé ait pleuré. Non, lui, j'ai pas envie. Sortez-moi de cette maison. Lui, il fait partie de ma vie normale, c'est pas grave même s'il pleure. Le seul truc, c'est que pour l'instant, il est trop petit pour que j'ai de l'influence au niveau discipline. Et même si je crie, ça va pas le calmer. Mais bientôt, hein, vivement que je fasse. Tais-toi ! Yep. Vivement, hein. Je l'attends avec le martinet dans la main, il n'y a pas de souci. Mais écoute, merci beaucoup Soum pour ces anecdotes et merci pour cette réflexion. C'est vraiment la première fois qu'on réfléchit profondément sur l'état d'esprit du stand-up et tout. On avait commencé une discussion un petit peu philosophique dans l'épisode de Rosa Burstein, mais ça fait du bien de temps en temps d'aller un peu plus profondément dans le podcast. En tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? On peut me retrouver sur Facebook, donc Soum la page, S-U-M la page, ou sur Instagram, Soum humoriste, en un mot. Et donc, voilà, je suis hyper dispo vu que je suis pas hyper suivi. Bon, et tu as peut-être une chaîne YouTube ou Twitter ? Oui, aussi, enfin Twitter, YouTube, non, je sais pas être, mais sur Twitter, c'est aussi Soum humoriste, S-U-M-H-U-moriste. Merci beaucoup. Ben, pour ma part, vous me retrouvez comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.